La Bible David Martin 1855. Le livre d'Amo le prophète. Amo chapitre 1. Les paroles d'Amo, qui étaient d'entre les bergers de Tekoa, lesquels il entendit dans une vision touchant Israël, du temps d'Ozia roi de Juda, et de Jéroboam fils de Joa, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit donc, l'Éternel rugira de Sion, et fera ouïr sa voix de Jérusalem, et les cabanes des bergers lamenteront, et le sommet de Carmel séchera. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même à cause de 4, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce qu'ils ont froissé Galaad avec des herses de fer. Et j'enverrai le feu à la maison d'Azaël, et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Je briserai aussi la barre de Damas, et j'exterminerai de Bicatalen ses habitants, et de la maison d'Édan celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera transporté à Kir, a dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même à cause de 4, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce qu'ils ont transporté ceux de Juda en une captivité entière, jusqu'à les livrer à Édom. Et j'enverrai le feu à la muraille de Gaza, et il dévorera ses palais. Et j'exterminerai d'As de ses habitants, et d'Askelon celui qui tient le sceptre, puis je tournerai ma main sur Ekron, et le reste des Philistins périra, a dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même à cause de 4, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce qu'ils ont livré ceux de Juda en une captivité entière à Édom, et ne se sont point souvenus de l'alliance fraternelle. Et j'enverrai le feu à la muraille de Tyr, et il dévorera ses palais. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même à cause de 4, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, et qu'il a altéré ses compassions, et que sa colère déchire continuellement, et qu'il garde sa fureur à toujours. Et j'enverrai le feu en t'aimant, et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants de Ammon, même à cause de 4, je ne rappellerai point cela, mais je le ferai parce que, pour élargir leurs bornes, ils ont fendu en Galaad le ventre des femmes enceintes. Et j'allumerai le feu, avec alarme au jour de la bataille, avec tourbillon au jour de la tempête, en la muraille de Rabba, et il dévorera ses palais. Et leur roi ira en captivité, et avec lui les principaux de son pays, a dit l'Éternel.